بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On va continuer inshallah ta'ala le hadith de Abi Huraira radiallahu anhu concernant les sept péchés capitaux. On avait déjà vu donc le polythéisme, la sorcellerie, le fait de tuer, le meurtre. Et aussi, on avait vu le fait de profiter de l'usure, des biens usuraires. Et on continue donc l'explication donc de ce hadith, ou le commentaire de ce hadith. Mais avant cela, on avait vu, les frères, que ce livre est un livre, ou du moins le Cheikh Rabi' hafidhahullahu ta'ala, cite dans ce livre, cite dans cet écrit, des hadiths qui concernent l'aqida et le manhaj. Hier, on avait vu que cela nous montre l'importance de ce sujet, le fait de s'éloigner des péchés, qui fait partie du manhaj salafi, le fait de s'éloigner des péchés. Et que les salafis sont ceux qui sont le plus en droit de s'éloigner des péchés, de mettre en garde contre ceux-ci. Car certes, les salafis s'éloignent du polythéisme, ils s'éloignent des innovations et ceux-ci doivent donc tout faire aussi pour s'éloigner des péchés. Et on avait vu, certes, que les péchés ont un grave impact sur l'individu, comme le fait d'entraîner par la suite le fait que son cœur soit couvert et que celui-ci n'arrive plus à cerner, à comprendre la vérité, et tout cela à cause des péchés. Les grands péchés empêchent aussi le fait que les petits péchés soient pardonnés. La personne qui voudrait bénéficier de ce mois de Ramadan, qui arrive bientôt, qui voudrait que ses péchés lui soient pardonnés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en condition le fait que on s'éloigne des grands péchés. Et Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit aussi dans le Coran, « In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu » Et donc si vous délaissez les grands péchés, si vous délaissez les grands péchés, les grands actes qui vous sont interdits, alors nous allons pardonner vos seyyi'at. Nous allons pardonner vos seyyi'at, ce qui est voulu, le disent les savants, les petits péchés. Et donc, il est impératif aux chers frères de faire des efforts pour délaisser les grands péchés. Il y a un point aussi important, c'est que, en général, les gens, ils n'accordent pas beaucoup d'importance à ce genre de sujet en pensant que, certains nous disent, oui, mais le plus important, c'est la aqida. Certains nous disent, oui, mais le plus important, c'est la aqida, la croyance. Et celui qui dit ça, on va dire qu'il ne connaît pas la religion. Car en réalité, tout ce qui est lié à l'islam, tout ce qui concerne l'islam est lié à la aqida. Tout. Tout, tout, tout, tout. Tu vas me parler du siwak. Le siwak, le fait de prendre le siwak et de te purifier les dents avec. C'est lié à l'aqida? Oui, c'est lié à l'aqida. Pourquoi? Parce que toi, tu as la ferme croyance que c'est mustahab, que c'est recommandé. Si tu as la ferme croyance que c'est recommandé, qui l'a recommandé? Allah tabaraka wa ta'ala. Ça revient à Allah, c'est lié à l'aqida. Tu as la ferme croyance que tel sujet est interdit. Ça revient à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui l'a interdit, c'est lié à l'aqida. Et donc tous les sujets de la religion, jurisprudence ou autre, ils ont forcément un lien avec la croyance. Ils ont forcément un lien avec la croyance. Et donc ça c'est important qu'on le comprenne, au shafqa barakallahu fikoum. Et donc aujourd'hui, inshallah ta'ala, le cinquième des péchés capitaux, on a le fait donc d'utiliser ou de manger injustement les biens de l'orphelin. Ô chers frères, il est obligatoire qu'il y ait dans la communauté musulmane certaines personnes qui s'occupent des orphelins. Car notre belle religion, notre religion qui nous appelle à l'entraide, qui appelle à l'amour, elle nous oblige à prendre soin de ces orphelins. Il est obligatoire qu'il y ait dans la communauté musulmane des personnes qui s'occupent des orphelins. Parce que ces enfants qui ont perdu celui qui est responsable de faire les causes pour qu'ils aient leur subsistance, ces enfants ont perdu cet individu, ils ont perdu leur père. Il est donc important que la communauté musulmane soit présente pour combler ce manque et soutenir ces enfants dans cette difficulté. Ça, c'est vraiment un sujet important. Et à partir du moment où on a compris cela, on comprend la gravité quant au fait de voler les biens de cet enfant. Cet enfant qui a perdu son père et qui a hérité de son père. Certaines personnes vont montrer donc cette piété. Ils vont montrer qu'ils font partie de ceux qui s'occupent des orphelins pour ensuite abuser de ceux-ci et prendre leurs biens injustement. Allah tabaraka wa ta'ala nous a imposé, nous a ordonné d'utiliser leurs biens de la meilleure des façons. C'est-à-dire le fait de faire du commerce avec les biens de ses enfants. Jusqu'à ce qu'ils atteignent la puberté et qu'ils soient eux-mêmes capables donc d'utiliser leurs biens. Mais en attendant, on ne laisse pas l'argent comme ça sans donc en faire du commerce avec. Pourquoi ? Parce que l'argent après, il va diminuer. Il va diminuer, chaque année on va devoir sortir la zakat, etc. etc., etc. Et donc il est bien d'utiliser cet argent en faisant du commerce pour l'enfant. Et que lorsque l'enfant grandit, on lui donne tout son argent. Il est permis à l'homme d'utiliser les biens de cet enfant lorsque il y a une nécessité. Il n'a pas d'argent, il doit nourrir cet enfant, il doit s'occuper de lui. À ce moment-là, il lui est permis de se servir de cet argent, donc en fonction des besoins. Mais le fait de prendre cet argent pour lui, le fait de se faire plaisir en prenant l'argent de cet orphelin, cela fait partie des grands péchés et cela est formellement interdit dans notre religion. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous cite aussi donc parmi les grands péchés, il nous cite at-tawalli yawm az-zahf. Le fait de fuir le jour de la bataille. Ça aussi au Sharfka, ça fait partie des grands péchés. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous cite un autre péché qui est le fait de traiter de fornicatrice les croyantes, chastes et innocentes. Ce péché, oh chers frères, lui aussi, donc, il fait partie des grands péchés. Et les savants sont unanimes quant au fait que cela concerne aussi le fait de taxer les hommes de fornicateurs. Ils sont unanimes. Il est interdit en islam de taxer quiconque de fornicateurs sans ramener 4 témoins. Est-ce que les vidéos sont prises en compte ? Non, les vidéos ne sont pas prises en compte. Il est impératif de ramener 4 témoins. Si la personne affirme elle-même être tombée dans la fornication et qu'ensuite cette personne, elle le conteste. Alors, même chose, il n'est pas permis de l'accuser de fornication sans ramener 4 témoins. Si cette personne l'a affirmé au début, puis l'a contesté. Notre religion, nous avons déjà vu précédemment que nous accordons un grand point à l'honneur, à la pudeur. Il est donc interdit de s'attaquer à l'honneur d'un musulman ou d'une musulmane. Il faut qu'on fasse très attention à ne pas taxer nos frères et nos sœurs de fornicateurs comme cela dans le vent. Et ceci fait partie des grands péchés. Et concernant la fitna des Moussa Afrika, moi, il y a quelque chose qui m'a étonné ici à Mulhouse. C'est que je suis convaincu que la plupart des frères ici présents étaient sur le groupe. Comment s'appelait ce groupe qui a été fermé ? Fawa Idelmiya. Je suis convaincu. Et qu'ils ont été témoins de ce que Bachir a fait lorsqu'il a propagé le Qadhf de Mohamed Ben Hadi. Lorsque Mohamed Ben Hadi a traité un musulman de fornicateur. Il faut savoir, mon cher frère, que les suiveurs de Mohamed Ben Hadi sont de plusieurs types. Il y a ceux qui ont du ilm, ils ont du bagage. Ils ont du bagage. Mais ils se sont égarés par le suivi aveugle. Il y a ceux qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, mais ils suivent. Et il y a les idiots. Il y a les idiots. Cherchez le nombre de personnes qui ont été aussi, qui ont été suffisamment idiots pour propager le Qadhf de Mohamed Ben Hadi. Cherchez même chez les étudiants de Mohamed Ben Hadi les plus proches de lui. Et donc, oh chers frères, vraiment, il faut qu'on sache que ce qui s'est passé dans ce groupe est grave. Et que ceux qui se sont tus, ceux qui n'ont pas montré la gravité de cet acte, sont tombés aussi dans un péché. Le fait, oh chers frères, de laisser quelqu'un traiter un musulman de fornicateur comme cela, le fait de propager cette accusation, c'est grave. Aujourd'hui, Cheikh Rabi', hafidhahullahu ta'ala, à chaque fois que des gens allaient le voir concernant ce sujet, il leur disait, mets-toi à la place de celui qui s'est fait accuser. Est-ce que tu aurais aimé être à la place d'Abu Ayoub? Que tu es là, tu es dans ton pays, tu entends quelqu'un qui te traite de fornication en Arabie Saoudite et que ça fait le tour du monde. Du jour au lendemain, tu es considéré comme fornicateur pour des milliers de personnes. Est-ce que vous aurez aimé être à la place de ce frère? Personne ne va dire oui. Bon, juste à Mulhouse, tu ne veux pas que les gens de Mulhouse ils soient au courant de tes péchés. Juste à Mulhouse. La dernière fois, il n'y a pas si longtemps, je parlais avec un frère pour le conseiller de revenir vers la Jama'a, pour le conseiller arriver à assister au Dourous, etc. Il me dit, oui, mais les frères, ils sont au courant de certains péchés dans lesquels je suis tombé. Juste les frères, je la mets, je mourrai. Ils sont au courant de certains péchés dans lesquels je suis tombé. Juste ça, ça l'affaiblit. Que dire d'une personne? La terre entière, elle parle de lui. Ah, foulaine, le fornicateur. Allez, hop, on partage dans un groupe. Wallah, moi, je suis choqué de ceux qui ont vu ça et qui, malgré cela, continuent à défendre l'individu qui ne s'est jamais repenti. Il ne s'est jamais repenti. Mais lorsqu'il a été conseillé sur ce sujet, Bachir, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne suis pas le premier à avoir propagé ça. Ça s'appelle de l'idiot aussi. Je ne suis pas le premier à avoir propagé ça. Et donc, si un jour tu tues, tu vas nous dire, je ne suis pas le premier à avoir tué sur terre. Je ne suis pas le premier à avoir volé sur terre. Je ne suis pas le premier à avoir menti sur terre. Est-ce que le fait que d'autres personnes aient participé à ce péché avec toi va le rendre licite? Qu'est-ce que tu vas dire devant Allah tabaraka wa ta'ala? Je ne suis pas le premier à l'avoir propagé. Et donc, moi, personnellement, cher frère, je suis choqué de voir certaines personnes qui aujourd'hui nous disent « Mais qu'est-ce qu'il a fait, Bachir ? Qu'est-ce qu'il a fait, Bachir ? Anta, qu'est-ce que tu as appris de ta religion pour nous dire qu'est-ce qu'il a fait, Bachir ?» Et donc, c'est grave. Et donc, « Oh, cher frère, barakallahu fikoum, moi, je vous recommande à tous la fermeté. Le fait de craindre Allah, tabaraka wa ta'ala, de placer sa parole, le suivi de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au-dessus de toute chose et au-dessus de tout individu. On arrête là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.